Shake it all the time. Work, work, work, Sinora. Work your body line. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. My girl's name is Sonora. I tell you friends, I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she roll like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay. I believe you. Jump in the line, rock your body on time. High start skirts a little higher. Jump in the line, rock your body on time. Off the chimney. Jump in the line, rock your body on time. Allez, Gaétan, là, ouais, ma belle Gaétan. C'est vrai, vous jouez ça, ce corps-là. Ça a coûté 3 500 $. Montre-moi ça. Shake, shake, shake, Sinora. Ooh. Shake, shake. Shake your body line. Oui, yeah. Work, work, work, Sinora. Oh. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sinora. Dance it all the time. Ooh, yeah. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Aye, jump aye, in aye. The line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, okay. I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sinora. On est déjà en communication. Pour la première fois à une émission de radio, la première fois, on va toucher à la fin au début. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, au début de l'émission. Oui. On va toucher à la fin. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est pas incantatoire, ça? Comment ça, c'est éclaireur, monsieur? OK, c'est pas incantatoire. Je vois des erreurs partout. Ma naissance a été une erreur. Ma coupe de cheveux a été une erreur. Mes nouvelles lunettes ont été une erreur. Mon acceptation à un certain... erreur. Qu'est-ce que tu dis là? Non, j'ai touché à la fin! Parce que dans le record, le livre des records, on n'a jamais vu. Quand je vous dis jamais, là, c'est pas... peut-être que... On sait jamais. Non, non, non, non, c'est jamais, jamais. Oui, Roro, oui, Roro, maman, mais j'appelle jamais. Jamais. Maman, yes, jamais, yes. Et monsieur, ça va bien? Oui, oui. Arrête donc, passe pas ta soirée à dire ça, jamais. Oh non, jamais, au grand jamais, j'essaie de m'emballer, au grand jamais, au grand jamais. Pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis à peu près trop de temps, nous toucherons là, à la fin. Ça, c'est pas compliqué. Ça se fait uniquement ici ce soir, à la radio. On va atteindre le dessus, le top, le zénith, le top, le zénith. Ça, c'est un anglicisme, le top, c'est vrai. Vous avez entièrement bien raison, monsieur. Monsieur Gadolette, vous avez... J'ai 21. Tu vos cartes, hein, monsieur? OK. J'ai la béquille qui transcende la bêtise humaine. Là, pour en avoir... pour voir sur la surface écranique de la totalité de l'existence, surtout après 23 heures, je vois uniquement, presque toujours, assez souvent, merci, de la bêtise humaine. Les gens sont cons. Pas tout le monde. C'est toujours la minorité qui se fait voir à travers la majorité. Là. C'est pas la petite Myriam là, qui dort à 23h15 parce qu'elle a un examen le lendemain matin à 7h30 là, à l'école, là, au cégep, au collège. Il vient de fêter ses 19 ans, mais elle a préféré arrêter de glorifier son anniversaire pour sagement atteindre la strate sociale un peu plus élevée que son père, qui, lui, était saltimbanque. Elle, quand même, étant très propre, ne voulait pas descendre aussi bas. Elle se lave quoi? 3 fois par jour. Elle. Ah mon, 3 fois. Le matin. Puis le matin. Parce que le reste du temps, elle n'a pas le temps. Là, mais de 8 à 11, là, elle se lave, elle sort. Elle s'essuie. Elle se lave, elle sort. Elle s'essuie. Elle se lave, elle sort. Elle s'essuie. 3 fois. 3 fois. Là, moi, je lui dis, hey, regarde, va consulter ton grand ami. Elle dit, j'ai pas de grand ami. Ben oui, tu sais, l'homme supérieur à la moyenne. Ah, mon Dieu, c'est un malade, il fait une émission de radio. Ben oui, tous ces gens-là, là, doivent communiquer. Qui? Communiquer. Ah, mais avec qui? Ben avec les brebis. Hein? Les gens qui sont à l'écoute. À l'écoute de quoi? Elle écoute, abreuvé, allonge le breuvage. Toi, c'est ça ton problème, c'est le breuvage. Ah, mon Dieu, j'ai été longtemps. Ah, ouais. Encore aujourd'hui, dans les centres commerciaux, je suis genre de têteux, moi. Ah. J'ai arrêté ça, mais je suis fait arrêter 3 fois. T'as arrêté ça, tu t'es fait arrêter. Ah, moi, là, le mot arrêt, là, c'est invitant Pepperman. Ah, ouais, mais amène ça à des arrêts. Ah, ouais. Parce que plus il y a d'arrêts, moins je vais m'arrêter. Plus il y a d'interdits, moins je vais les faire. Alors, l'inaccessible ailleurs, là, c'est pas ici, c'est ailleurs. Alors donc, on va toucher... on est rendu à ça. On va toucher la finalité. Tu n'as pas besoin là, d'être à 3 secondes avant la mort. Avoir su. Hop. Il est mort. Non, c'est avant. Longtemps avant. Alors, pour atteindre cette terminaison, parce que vous savez qu'on va le... C'est pas vrai! Oui, c'est vrai. En fait, on cherchait à taire la chose. Les médias en ont fait, bien sûr, un tapage publicitaire. Voyons, non, je suis bien recroquevillé, moi. Je suis recroquevillé vers le noyau. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais non. C'est pour enchaîner avec un rien, puis un rien m'anime. On me l'a dit, hein? Avant-hier, là, un rien t'habille. Ben voyons donc, ouais. C'est juste un petit grain de fromage sur le bord de la bajoune. C'est pas un habillement, ça, là. C'est une dégueulasserie, là. Rien de marrer, un mets les plus copieux. Puis moi, plus c'est copieux, plus je m'en mets la pistache. Là, hey... tellement que moi, je me suis acheté, vous saviez, là, mon petit poisson roux. Là. Quand je le prends, là, il est toujours avec sa grande langue. Il me semble qu'un poisson, ça n'a pas de langue. Un poisson, ça n'a pas de langue, toi. La langue du poisson, tu connais pas ça. Non, ben c'est ça. Parce que t'as pas vécu. Puis là, ce qu'il faudrait là, que ça se fasse ce soir, avant 2h du matin, les régressions. Régressions. OK, là, t'es un quelqu'un et tu vas atteindre le rien, le presque rien et le rien néandertal. Là, c'est pas n'importe quoi, là, le rien néandertal. C'est quand tu te rends même pas compte que tu es. Eh bien là, je tiens par la barbuchette la solution. Parce que moi, c'est bien rare que je le sais. Que tu sais. Que je sais, que je sais. Tu sais que tu sais. Je sais pas que je sais pas, moi. Là, je sais-tu, moi? Ben, tu, vous le savez, vous le savez pas, monsieur? Ben, je le savais, mais tu viens de me l'arrêter là. Ah, oh, mon Dieu. C'est un dur 8 novembre. Oh, c'est bien mieux de se faire toucher aux doigts. Ah, allez-y. Hey, c'est quoi ce questionnement-là, là? Tout chaud, la fin! Ben, tout gé, puis laisse-nous trans, laisse-nous trans, bon, laisse en transcendantal. L'absurde aventure de l'errance canadienne s'ouvre à l'instant. Vous l'avez senti? C'est parce que je me suis amené le pied tout près de mon nez. Et où elle fumait? Non, il fumait plus. Non, j'ai arrêté ça. J'ai dit, hey, toi, là, au prix que tu me coûtes de cigarettes, ben, arrêtez de te faire, hein. Là, ben, c'est un autre fumet. si tu compares à la jeune cégepienne, là, collégienne, ça va très bien. Mais elle, là, qui se lave trois fois le matin. Moi, je me lave trois fois par année. Imaginez-vous que je suis écolorique! Très écolorique! Dès ma naissance, je suis sorti, j'étais dans le chlouch, la mouche dans le chlouch. C'était dégueulasse. Là, le médecin, il m'a dit à moi, là, à 0 ans, c'est naturel. Pendant toute ma vie, tout ce qui était slouch, mousse, pour moi, c'était naturel. Là, je voyais les cochons s'amuser dans la cochonnerie. Hey, mes amis, j'arrive vers vous. On a eu du plaisir. Moi, j'avais. Mes amis, c'était trois cochons. Puis un cochonnet. Un cochonnet qui est devenu passablement gros. Là, ils ont voulu le tuer. Êtes-vous malade, tu es mon meilleur ami? Moi, est-ce que je vous tue, moi? Mais voyons, non, c'est un cochon, mais un cochon. Cochon toi-même, mon espèce d'insignifiant de colporteur de maladresse d'été. Ah, arrêtez-moi ça. Je l'ai pas tué, mon ami. Ben, des bonnes oreilles de tabarnouche. Oh, les oreilles de tabarnouche dans le sirop marabe. Oh! L'errance absurde. L'errance. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Le Néant, gagné. Ça, c'est dans le film Si ma mémoire ne fait pas défaut. elle le fait. En est-elle? Oui. Non, mais elle est dans le défaut le plus complet. Mais... Oui. Si ma mémoire fait défaut, oui. Elle fait défaut. C'est dans Bethelgeuse. Mettez bas et votant. Non, c'est Bethelgeuse. Bethelgeuse, ben. Puis madame, arrêtez de faire des grands signes d'insignifiante. Vous avez quoi? Vous voulez vous en. Envoyez-vous pas avant la fin, vous là? C'est pas pour une montgolfière. Et ben. Mets de la balloune, puis envoie. Mets de la balloune. Plus de balloune que ça, madame. Vous avez trois grosses balloons en bas de la bédaine. Ben ouais, mais ça. Hey, même si on n'arrivera pas, placez des poutres, amenez des poulies, on va attirer. Au pire, amène ton dos, on va faire quelque chose avec elle. Si elle ne lève pas, l'homme lèvera. Hein? On va faire un peu d'argent. Des documentaires à TV là, sur la violence. Là. Bah, il a assassiné. Mais je n'ai pas assassiné, monsieur. Je l'ai amené vers le haut, c'est elle qui me l'a dit, je veux voler comme un oiseau. Bravo, on y va, on y va, on y va. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Mais c'est un jeu. Mais tel jeu, c'est un jeu, mais tel jeu. C'est allô, allô, allô, allô, allô. Ça va, les amis? Ça va très bien, vous? Ah, moi, ça va tellement bien. J'ai remarqué, ma belle Solange, que t'avais changé ta prothèse. Oh! Non, je l'ai pas changé, je l'ai lavé. Oh, avec quoi? Avec du ready, de l'eau, de l'eau Javel de blues. Et puis, là, je sais pas, là. Non, je vais m'arrêter là. OK, arrêtez-vous là. Sinon, il y a des poursuites judiciaires, puis on n'a pas les moyens. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénal de Lenéant, gagné. Qui? Gagné, oui, c'est gagné, gagné. Oui, on se demande à t'apprendre après tant d'années, qu'avons-nous gagné? La réussite après l'émission, oui. Pendant jamais, le temps où je vous ai connu, si vous m'oublieriez, et monsieur, conjugaison de oublier. À quel passé? C'est pas un passé, c'est un présent. Bon, mais c'est oublié. Oublie jamais le jour où on s'est connu. Non, faut que je l'oublie, moi. Ouais, c'est parce que vous... Ben oui, les gens savent plus qu'est-ce que tu veux dire, là. Madame. Ah ouais, ah ouais, on s'en souvient, hein? Ah, ouais. Ah c'était le... Non, c'était le bon temps. Ah ouais. On était heureux. Ah ouais. Il y avait le piano, là. Le vieux piano poussiéreux. Moi, je l'avais aux 3 semaines. On est dans le lavage. Hein? On est propre un matin. On est propre. Ah. On est récurrent. Oh, récurrent dans le sens de récurer. Non, mais on remet la même chose. C'est du radotage, bref. Ah non, monsieur! Ah ouais. Ben ouais, qu'est-ce que vous dites là, vous? Ah ouais. Êtes-vous l'inconscient collectif? Ah ouais. Eh ben voilà, on le sait. Non, non! Enfin, nous avons la voix de l'inconscient collectif. Les grands sociologues, les psychologues, les intellectuels de gauche, un peu de droite, mais également... le grand aventurier Lozov. Oh, en 1997, en Russie, le grand Lozov, avec sa carabine pompeuse, qu'il appelait amoureusement la pompeuse, quoique quelquefois il se la pompait lui-même. Il marchait dans les bois russiens, de Russie. Et au large, près de l'eau, de source. C'était pas de l'ours en Russie, c'est de la Volga. Ah, la Volga tourne... Ben, elle tourne pas à coule. Ah, mon Dieu, c'est pas vrai. Si, c'est... Attends un peu, là. Si cette histoire est véridique... Oui. Qu'est-ce que vous dites? Véridique. Oui, Véridique Inc. Lâche la Véridique Inc. Oui. Non, mais c'est comme la vedette, là. C'est Véridique Inc. Là. Inc. Mais c'est du Véridique. J'ai rêvé de toi, mon amour. Non, j'ai viré dans le casque. J'étais dans le Grand Transylvania de Russie. Il y avait un beau petit ruisseau qui était. C'est pas un ruisseau, c'est un serpent. Non, c'est un ruisseau. Parce que c'est pas de l'eau là-dedans. C'est pas de l'eau. C'est à votre goût. Ah, là, il y avait une photographe française, une parisienne, qui était dans fucking route. Qui est toujours dans le fond, qui prenait des photos parce qu'elle est une amoureuse de la vodka. Elle aime ça, la vodka. La vodka des gars. C'est sa devise, là. Marianne, Marianne, la via, la va de gosse. C'est pour les loups trouver les gosses, c'est pour les trouver les gosses. Allons là, c'est votre gosse, avec trois, quatre petits gosses. Des petits gosses majeurs, les petits gosses majeurs, oui. Ah, non, mais faut faire attention, les petits gosses, parce que Suzanne Lapointe appelait ses techniciens les petits gosses. Il y en avait un avec les cheveux pas mal sel et poivre. Quoique, il a arrêté le sel, lui, parce que ça faisait du calcium, hein? Puis le poivre, ça le faisait éternuer, donc c'est tout rosé, ça. Ne laisse pas passer! Bon. Aujourd'hui, le vendredi, il y a des liens, il y a des liens. Mais t'es malade, il n'y a absolument rien, on n'a rien compris. Bravo. Aujourd'hui, le vendredi 28 novembre. Deux boules. 2013, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Marie-Claire Buzy. Ben, c'est vrai, tout le monde va écouter ça. Ils vont me traiter. En pleine nuit. Elle commence des études de médecine. C'est pour ça qu'elle aimait bien me rencontrer. Elle m'a dit « Lobotomie, le mec, lobotomie! » Puis de lettres. Lobotomie, lettres, pas là. Je suis au 20e étage dans Berlin. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra d'être engagée pour le rôle de Columbia dans le Rock Horror Picture Show. Elle est remarquée par Étienne Rodingil, le grand Étienne Rodingil, le parolier d'entre autres. Vous ne connaissez pas le chanteur entre autres? Moi, je connais entre autres Julien Clerc. OK. Même, il a collaboré à quelques trucs de Pink Floyd. Allez voir sur les albums de Pink Floyd. Là. Il y a des Pink Floyeux. Ça peut. On est ici un amateur de Pink Floyd. Monsieur, vous avez tous les albums de Pink Floyd? OK. Vous êtes encore resté sur le... À l'intérieur des albums, est-ce qu'il y avait quelque chose pour vous rendre ainsi? Vous avez tout compris les textes, hein? C'est très intellectuel, hein? La musique est bonne, hein? Ah oui, Pink Floyd. Ben, vous allez lire Rodingil sur certains albums de Pink Floyd. Monsieur Pink Floyd? Ah oui, il est dans une maison de repos. Les murs en noir, puis les amateurs de Pink Floyd. On les aime. Et il signe son premier contrat d'artiste. Molly! OK. On observe Pink Floyd, nous autres. C'est pour ça qu'on en fait joie à notre émission. Hein, Pink Floyd? Si demain, parce que pas aujourd'hui, il faudrait un moment de réflexion, mais si demain, quelqu'un avec sa bouche. OK. Sinon, avec sa main, ben moi, ça me parle avec sa main. C'est jeu de vilain, jeu dans l'air. On m'offrirait des perles de pluie. Non, c'est pas ça. On m'offrirait de rencontrer soit le groupe Pink Floyd, OK, ou Frank Zappa. Tous les deux sont morts. Oh, oui, je sais. Ben, oui, les deux, oui, c'est vrai. Pink Floyd, c'est mort depuis longtemps. Ouais, mais Roger, oh, laisse faire, il est mort. Il a fait des spectacles, il est mort. Alors, si on me fait choisir entre Pink Floyd puis Frank Zappa, ben, j'aimerais bien rencontrer Frank Zappa. Ouais, et puis? Ben, rien, c'est juste ça. Ça ne nous intéresse pas. OK. Vous êtes bien dur avec moi, mais on risque d'être dur avant 2 heures. Là. Il y a la masse qui s'en vient. Oh non, la masse populaire. Elle commence des études en médecine, puis en lettres. Elle apprend les claquettes et enseigne même cette discipline qui lui vaudra, bon, Picture Show, Rodingil, et signe son premier contrat d'artiste en 80. Son premier single, sa première chanson, Parce que chez nous, Saint-Gon, on dit pas ça. On dit quoi? On dit une toune, la première toune. À ma toune, ma belle grosse toune. On t'aime, ma belle grosse toune. Ah, ma, non, non, non, non, non, non, dans mon âme, non, non, non, dans les d'autres enfants, une belle grosse toune. Qui régnait sur ton royaume et sur mes sujets. Bon, c'est là. C'est bon, ma grosse toune, c'est bon. Si tu voyais là-bas, au fond, là-bas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ma grosse toune. Donc, Dyslexique se vendra 500 000 exemplaires et sera un des grands succès de l'artiste en 81. La même année, son album Insomnie illustre... Ça me parle, ça, l'insomnie. Illustre par une photo de Modino, le grand Modino, 5 pieds 6. Elle enchaîne les singles et se déchaîne dans Adrénaline et Adriane. La femme de Rocky. Elle envoie des années. En 80, Bozzy voit mourir son producteur, malheureusement, Gérard Pedron. Et un peu après, on la perd de vue. Enfin, le public la perd de vue. Bozzy est l'auteur de 8 des 13 chansons de l'album Voie lactée de Sylvie Maréchal, paru en 2003. Octobre 2011, sort l'album Hommage à Bozzy. 15 artistes indépendants lui rendent une vibration sonore des plus exceptionnelles. En juillet 2013, Errance Reynaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette artiste incroyablement intéressante. La preuve après cette pièce musicale. Un mot. Un mot. liberté. Aujourd'hui, on en a besoin de la liberté. C'est ce qui nous manque souvent. Pas beaucoup, non. Ouais. On se croit libre, mais on est tellement emprisonné. On n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de boire. Il faut manger ceci, cela. Brigitte Fontaine en a fait un album incroyable. Hein? Oui, j'adore Brigitte. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Je suis effaré parce qu'hier, je regardais Love Stories, ça, ou Monster. OK. C'est épouvantable. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est le nivellement vers le bas. Hein? C'est hallucinant, quoi. De la délation entre eux, des gamines qui ressemblent à des putes. Pour passer à la télévision. Avec la voix qui dit « Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire gagner 50 000 euros ou faire de la délation sur tes copains ?» C'est un truc de barjo. Puis tu sens que la culture a été oubliée lorsqu'ils ont fait ces émissions-là. Parce que c'est terrible. C'est vraiment le nivellement. Par le bas, oui. Ouais, très, très bas. Très, très bas. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Un aliment. Un animal? Non, un aliment. Manger un aliment. Un aliment. Oui. Et j'ai travaillé sur l'aliment, mais là, pas assez aujourd'hui. Parce qu'on me faisait répéter, je disais aliment. Aliment, ça veut dire... Non, aliment, pas... aliment, aliment. Aliment. Aliment, oui. Aliment, si j'étais un aliment, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup le fromage. Okay. Je suis très française là-dessus. OK. Lequel? J'aime bien tous les fromages. Ah oui? Même les plus audacieux? Ah, j'aime bien les fromages, oui. Plus ça pue, meilleur c'est. Bon, je te dis pas que je suis une fan du Roquefort, mais j'aime bien le fromage. Oui. Si tu étais une... Avec du vin, il n'y a rien de mieux. C'est bon le fromage. Mm-hmm. Quand j'étais en Asie, c'est ce qui manquait le plus. Oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de fromage. Non, non. Et par moments, quand tu t'es resté 3 semaines à moi, tu disais, il me faut un bout de fromage, il me faut un bout de fromage. Donc on allait trouver dans des grands hôtels. Et puis, est-ce que c'était adéquat ou... C'était des produits importés, quoi. Donc, mais, ça a souffert pas mal pendant le transport. Oui, voilà, c'était pas... Ouais. C'était pas A1. Si tu étais, au moins, tu avais ton fromage. Si tu étais, en plus, le prix devait être exorbitant. Exorbitant. Ah oui. Si tu étais une saison. Eh bien, dans ton pays, j'aime l'automne. Mmh. C'est inspirant pour un créateur. C'est magnifique. Mmh. À Paris, je trouve qu'il n'y a pas franchement de saison. Mais en France, j'aime bien le printemps. Alors, c'est le printemps. Voilà. Et si tu... Comme dirait Daniel Darc, c'est moi le printemps. Ah oui, puis tu as travaillé avec Darc aussi. Oui. Il habitait par là. Hein. Oui. Et comment ça t'a fait d'apprendre sa mort récemment? J'ai beaucoup souffert. Ouais. Ça m'a vraiment beaucoup fait de peine. Mais les médias ont été quand même assez discrets. Les quoi? Les médias ont été assez discrets. C'est quoi les maisons? Non, les médias ont été les assez discrets. Oui, les médias ont été assez discrets. Ils ont parlé de sa mort, mais non pas de sa cause, de la cause. Je ne sais pas s'il avait réellement une cause, mais à part le protestantisme et puis son... C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui connaissait le rock par cœur, très cultivé même au niveau littéraire, etc. Mais quelqu'un qui s'est beaucoup détruit aussi. Ouais, je l'ai rencontré à Montréal en 1994 avec Alain Bachon. C'était incroyable. Grand bonheur. Il était surpris que je le reconnaisse sur la rue Sainte-Catherine. J'ai rencontré aussi le guitariste d'Alain Bachon qui était surpris que je... Que c'est le mec avec Yann qui Péchin. Yann Péchin, oui. Oui, que j'ai vu une vidéo sur laquelle vous travaillez ensemble. Mmh. Et c'est lui qui te dit, qui te lance des idées. Oh non, ce serait mieux comme ça. Hein, la vidéo noir et blanc, est-ce que tu tiens? Ouais. Et il me dit, bon... T'es pas tout à fait mûr encore. Ah oui, c'est bon. Il est excellent, ce gars-là. C'est mon pote. Il est incroyable. On se connaît depuis des années. À chaque fois que je viens ici, je le rencontre. Je suis rendu... j'ai fait 3 rencontres, parce que je préfère dire des rencontres, c'est pas des entrevues. 3 rencontres avec lui. La première a lieu il y a 4 ans. Puis à chaque fois, c'est... C'est génial. Ouais. Moi, je le connais, c'est très marrant, parce que c'est Gilles Kaplan. Il y a des années, ça doit faire maintenant 20 ans, qui m'avait dit, va voir un Studio Plus. Alors Studio Plus, oui. Si tu veux, c'est un studio de répétition. Moi, je connais. Voilà. Dans le 11e, je crois. Dans le 11e. Ouais. Très d'arrivée en parcant. Oui, absolument. Voilà. Et elle m'a dit, elle me cherchait un guitariste, elle m'a dit, va voir, il y a un démon, il répète comme un malade, tout seul. Les cheveux longs. dans la trombine, machin, etc. Et il avait très, très peu d'expérience de scène. Et je lui ai dit, je l'ai vu jouer, je lui ai dit, c'est un dingue. Hein. Est-ce que tu veux faire la tournée avec moi? Et il a fait la tournée sur l'album, je ne sais plus quel album, je crois. Parce qu'il a une mémoire colossale. Je pense que c'était sur l'album Rêve éveillé, je pense. On est toujours resté amis, il a fait plein de guitares sur Au bon moment, au bon endroit, il a fait pratiquement toutes les grattes. J'adore ce mec. Il est hallucinant. Il part dans des délires harmoniques. Ouf, tu c'est le laisses peintre, aller. C'est un peintre. Tu dis vas-y, puis c'est parti. C'est un peintre, il est génial. Ouf, oui, c'est vrai. Quand tu le rencontres, il a une culture musicale incroyable. Autant la musique africaine, énorme. Américaine, anglaise. C'est un mec génial. Ah oui, vraiment. Oui. Moi, c'est mon pote, je l'adore. Oui. Est-ce que vous vous rencontrez souvent aujourd'hui? Bah, à chaque fois que je fais des trucs, même, il a même jusqu'à, par gentillesse, j'avais fait une télé à la con sur les années 80. Où c'était un playback à la con. Ah non. Et c'était pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle aime pas quand je suis pas dans les télévisions des années 80. Elle dit, okay. On t'a oublié et tout, machin, etc. Et j'ai dit, non, c'est pas comment oublier, c'est que je veux pas le faire. Non. Uh-huh. Mais bon, alors là, j'ai fait un effort, je l'ai fait. Et j'ai dit à Yann, il faut que tu viennes m'aider. Moi, je peux pas être toute seule derrière mon micro. Et il a été super gentil. Et lui, il a fait semblant de jouer. Lui qui est énorme voiture. Oh oui, c'est surtout que lui qui peut partir, ça doit être dur pour lui de faire semblant de... Non, mais ça a fait beaucoup rire parce qu'il a été voir les loges, il y avait tout un tas de vieilles stars qui avaient dû marquer son enfance comme Dorothée. Ah oui, bah oui. Etc. Et ça l'a fait hurler de rire, il était complètement déchiré. Oui, ben c'est bien de voir un homme d'avant-garde avec des gens qui se sont arrêtés sur une époque. Si tu étais un membre corporel... Quoi? Un membre corporel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un membre corporel. Un membre corporel, n'importe où. Ben, le cœur. OK. Pourquoi? Pour la vie, pour... Parce qu'il faut faire les choses avec du cœur, parce qu'il n'y a que ça qui... Dans la métaphore aussi. Oui, voilà, c'est dans la métaphore. Il faut faire les choses avec du cœur. Si tu le fais uniquement avec ton cerveau, c'est pas... C'est trop calculé, c'est pas assez instinctif. Je pense qu'il faut faire... Et toi, on parlait des Yann, mais Yann, il fait les choses avec le cœur, mais gravement, quoi. Ah, oui. C'est presque une question du ou de mort, lui, quand il prend sa guitare. Ah, oui, c'est vrai. Je sais. Et, en plus, il me disait qu'il fonctionne souvent avec des couleurs. Les artistes qui ne connaissent pas la musique, est-ce que tu peux me faire un bleu? Ben là, faire un bleu, comment je peux faire un bleu? Fait qu'il, il joue le jeu. Ah oui, non, mais... Il essaie de faire un bleu. Non, mais il travaille avec le cœur, et c'est des musiciens comme ça qui travaillent avec le cœur. Moi, Brad Scott joue avec le cœur. Brad Scott, je l'ai rencontré l'année dernière. Je te signale que Brad Scott, ici. C'est moi qui l'ai lancé aussi. Ah oui, ok, c'est par Turache. Non. Brad Scott, il est arrivé d'Angleterre et je cherchais sur Body Physical un contrebassiste. Ok, le monde est petit là. Pardon? Non, mais là, le monde est petit là. On parle de Brad Scott. C'est un truc de fou. Et je me dis, faut que pour la télé, je me suis dit, parce que tu sais, Body Physical, il y a une espèce de contrebasse à la Strécasse. Et je disais visuellement, les télés, j'en faisais 3 tonnes, il me faut un contrebassiste. Je sais pas ce qu'arrive à la Marie. Moi non plus. Depuis qu'elle est montée à Paris, Emmanuel, elle veut qu'on l'appelle. C'est une question de sex-appelle. Je peux même plus lui parler d'amour. Elle me dit que ça vaut pas Gainsbourg. Et v'là-t-il pas qu'elle me taquine. En me susurrant, je vais te faire birkin. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec ton râteau. Sois érotique, sois érotique. Quelle dit. Et si tu ne me fais pas de blague, ce sera mieux qu'à Copenhague. Elle ne paye plus son abonnement à la revue La Vie aux Champs. Moi non plus. Maintenant, les trucs qu'elle bouquine, c'est rien que du sexe magazine. Sous des prétextes diététiques, elle fait de la cuisine exotique. Et elle me demande après manger si rien en moi n'aurait changé. Sois érotique. Sois érotique, quelle dit. Viens m'aimer avec tes sabots. Viens m'aimer avec tes sabots. avec ton râteau. Sois érotique, sois érotique, quelle vie. Et si tu ne me fais pas de blague, ce sera mieux qu'à Copenhague. Avec ça, y a pas plus de têtu. J'ai beau lui dire que c'est sans issue, mais se colle à moi en babidole, en me disant ton père est ma folle. Mais ça va être sa fête à cette heure. Hier j'ai été chez le docteur et je vais prendre un médicament qui va la laisser sur les dents. Sois érotique, quel dit. Viens m'aimer avec tes sabots et ton vélo. Viens m'aimer avec ton râteau et ta moto. Sois érotique, sois érotique, quel dit. Et si tu ne me fais pas de blague, ce sera mieux qu'à Copenhague. Sois érotique, sois érotique, quel dit. La coche belle. Viens m'aimer avec tes sabots et ton bateau. Viens m'aimer avec ton bateau et ton bateau. Fais des radeaux. Sois érotique, sois érotique, quel dit. Je te donnerai tous les bateaux, tous les rameaux, tous les crapauds. Comme le mentionnait... Oui, allô? Oui. Oh oui. Oui, on nous l'avons appelé. Oui. Le pire là, dans tout ça, là, je ne veux pas non plus vous exciter davantage. Là. Oui. Vous êtes excité, vous, hein? Allô? Oui. Oui, oui. Dites-moi un oui. Oui. Ben oui. Alors, on l'a appelé. Oui. Oui. Il a répondu. Oui. Oui. On lui a dit bonjour. Oui. Il nous a dit bonjour. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Pourquoi vous... Dites oui d'une manière cohérente et surtout en musique, comment on appelle ça, donc sympathique. Mais non, c'est pas sympathique, c'est synthétique. T'as l'air de synthétique, toi. Harmonique, harmonique. Oui. Oui. Vous êtes là, là? Allô? Oui. Avec, s'il vous plaît, madame. Madame. Oui. Oui, ben oui, c'est vous, ça, madame? Oui. Bon, c'est madame... Allô? Oui. Vous avez juste un petit rôle à jouer ce soir, là. Oui. Oui, c'est de dire « oh oui ». Oui. Mais au moment où je vous le dis, là. Oui. Oui, oui. OK, êtes-vous prête? Oui. Bon. Ah non, mais on a le personnage. Hein? Vous êtes là, vous? Oui. Bon. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un personnage? Oui. Bon. Vous êtes consciente d'être au monde? Oui. D'exister parmi nous? Oui. Oui. Vous avez pris 3-4 médications? Oui. En même temps, j'espère? Oui. Bon. Mais, madame? Oui. C'était pas bien. C'était pas bien. C'est pas bien. Il faut pas faire ça à la maison. Il faut faire ça sur rencontre médicale avec votre pharmacien, votre dermatologue, votre angiotologue, votre homologue, et puis, surtout votre croque-mort. Oui. Mais oui, avez-vous un croque-mort, vous? Allô? Oui. Oui, bon. Je vous conseille fortement de prendre la grandeur. Oui. Ben oui, la grandeur de votre état d'esprit. Oui. Oui, monsieur. Vous êtes une madame, hein? Oui. Oui, monsieur, vous êtes une madame? Oui. Bon, vous doutez pas de ça, vous, là. Oui. Oui, vous n'êtes pas du genre à douter de tout? Oui. La Terre est ronde? Oui. D'après vous, là, ça pourrait être une sphère plate. Oui. Comment une sphère peut être plate? Plat, oh, le plat pays qui est le mien avec infiniment de temps à venir, avec le vent de l'Est. Non, c'est le vent du Nord. Hey, c'est vrai, j'ai un guédi qui tonne dans le nom. Avec le vent du Nord, écoutez-la chanter la mélodie qui est la mienne. Allô, madame? Oui. Connaissez-vous le chanteur? Oui. Oui, c'est... OK, je vous donne 3 choix de réponse. Non, non, non, attendez. Vous me dites oui ou non? Didier Barbelivien. Oui. Ben, OK. Vous savez pas, là. Okay. Ensuite, oh! Patrick Bruel. Oui. Oui. Ou l'autre, c'est Michel Louvain. Oui. Oui. Lesquels des trois? Vous connaissez les trois? Oui. C'est vos chanteurs préférés? Oui. Enlevez-moi cet insignifiant. Oh, on ne veut pas parler avec ça. Non, non, non, on ne veut pas parler. Madame, vous n'êtes pas une ça, vous êtes une si. Attention, êtes-vous une si? Oui. Une si bémol? Bémol? Oui. Bémol? Trop molle, hein? Vous êtes beaucoup trop molle? Oui. Vous êtes flasque, hein? Oui. Vous diluez? Oui. Vous êtes un cours d'eau? Oui. Comme en Russie, du vol de la Volga? Oui. Madame Volga, on l'a reconnue. Oh, on l'a retrachée! Merci, M. Colombo, de fin de soirée. Vous êtes un véritable chercheur comme Charlie Chaplin Combe. Non, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes et Charlie Chaplin. Ça n'a rien à voir. Charlie Chaplin, c'est humoristique, c'est burlesque, c'est cinéma muet ou cinéma parlant. C'est l'un des seuls qui passe ça avec brio de muet au parlant. Vous allez me dire, ben oui, mais attends, il y a Aurélie Hardy. Amateur, vous êtes-vous? Amateur êtes-vous? Attention! Aurélie Hardy, c'était pour entrer en communication avec... Avec qui? Avec qui? Ah, non, Aurélie Hardy, à l'époque, c'était qui? Ah non, Aurélie Hardy, c'était les bons, excusez-moi! C'était Abbott et Costello. Les nuls. Les moins que rien, les pas drôles, les merveilleux petits garlots. C'est bien dit ça. Non, non, mais au lieu de dire mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, mimi, tout est mini dans mon demi, mini basse, mini bus, mini placé, mini cus. Il y avait en compétition à l'époque, le saviez-vous? Là, je vais vous le relater, vous allez dire, ah, ben c'est peut-être vrai. Non, non, c'est pas peut-être, c'est vrai. J'ai tout mis ça en jeu. La liaison n'était pas terrible. Non, j'ai tout mis en jeu. Ouais. Tout mi-temps, à mi-temps, tout mi-temps, tout mi-temps. Tout mi-temps, le mi-temps, ce calant. Ce calant vers la langue, la langue. La longue liberté vers l'éternité. Éternité. Aurélie Hardy, Abbate Costello. Choisissez votre camp. Si c'est Abbate, placez-vous derrière, là, dans le camp des des chercheurs d'illusions. Écrivez-moi à renalquebec@commercial.com et donnez-moi votre avis. Mon avis est que cette émission est comme Abbate Costello. OK. Il y a du gras, il y a du maigre. C'est bien ça. Il y a du gras, il y a du maigre, comme dans le cochon. L'oreille du cochon. Crois-tu que l'oreille du cochon est grosse? Mais non, elle est croustillante. Elle est maigre, elle est prête à crunch, crunch. Hey, t'es un malade. Moi, j'ai déjà mordu les oreilles de certains Saint-Eustache que je ne peux pas dire ici parce que on n'est pas encore... tout à fait délivré du christianisme. Pas encore. Pas encore tout à fait. Moi, oui, mais pas les autres. Alors, par respect pour les autres, je ne divulguerai pas mon idée profonde, car il est profonde, me fait éternuer à volonté. Ça, c'est les dieux du ciel! Moi, je dis que c'est les dieux du bas. Du bas du ciel, tu sais, tu connais pas ça, toi. Il y a trois strates. Il y a le haut, il y a le médium saignant, puis il y a le bas. Selon moi, là, c'est le bas qui te regarde. Puis tu dis, petit gars, que fais-tu de ta vie? Arrêtez! Arrêtez de communiquer avec moi! Rien à voir. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Renadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation. Ça, c'est bien, là. À partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. La première phrase, c'est « L'autre soir, je me suis retrouvé dans un concert. D'habitude, je déteste ça. » Effectivement, moi, ces choses-là, je n'y vais pas. Mais là, j'ai deux jeunes adultes avec moi qui sont mes enfants, Élise et Élisiane. Élisiane, pas de vin, puis là, t'es-tu là? Et là, elles m'ont dit... C'était beau, hein? Je vais pas raconter l'histoire, là. C'était beau. Avant de trouver la beauté là-dedans, il faut que je me présente au spectacle. J'avais l'air d'un fournisseur d'amour. Bizarre, là. Moi, j'étais en cuir, moulé. Moulez-moi les mots. Ben, je vous moule quelques mots. Oui. Adoration. Ah, ben ça, là, le A coule bien à travers ses ans. Il le T. Adoration. Mais là, on va pas tout passer des lettres de l'alphabet puisque le temps nous presse. Arrête-toi en arrière, là. C'est qui te presse en arrière, là? C'est tous les mots. Tous les mots, mais les mots resteront là, un après l'autre. Mélange-moi ça. Ça me dérange pas, moi. J'ai aucun problème avec ça. Tu me présentes six mots, je te fais une phrase avec six mots. Six mots. Pas le chanteur six mots en mélo. Fleuille de cactus, c'est toi, ma pépuce, ma petite puce, tu vois, dans la lune. Non, mais c'est pas ça, il est au spectacle. Hey, première rangée, debout. Hey, voyons, donc, où sont les sièges? Y'a pas de siège pour ça. Hey, voyons, c'est du rock, c'est du punk, c'est du, de la destruction. Hein, mon Dieu. Moi, quand j'étais plus jeune, là, j'allais voir les comment, là, les quand tu les appelles. Hein? Posséder des Menkies, des Menkous, des Bebous, des Lebous, dans l'album. Monde où les Stones, non, c'est pas le Stones, c'est. Posséder. Attends, quoi, le Berry, un groupe punk. Un des premiers groupes punk. Ping Pong. Ping Pong quand on danse, en pis pour les prudents. Ping Pong bien visé, c'est temps de s'amuser. Je cherche et je vois Daniel Boucher. Le soleil sorti. Ça, c'est l'affiche de l'album. Faut pas le mentionner en ondes, là. Oh, les Ramones! Ben, c'est ça. Je suis allé voir les trois concerts des Ramones à Châteaubriant, en Abitibi, mais Miss Maming. J'étais là. Miss Maming, là, avec ma soeur Rita, mon oncle incarné, puis mon intelligence restée au vestiaire, parce qu'on m'a dit, « Hey, wow, là, tu vas voir les Ramones, là, toi, t'es en philosophie. » Oui, effectivement, j'ai l'œuvre de Naguère avec moi. Naguère époustouflue, tu laisses au vestiaire. Faut que ton intelligence enlève tout ça, faut que tu sois nul. Nul et neutre. OK. Et comme ça, souris. OK, tu peux passer. Là, Rodouane, tu peux passer, tu fais. C'était un spectacle de Raymond extraordinaire. Ça a duré 22 minutes. Ils ont fait 6 albums en 22 minutes. Tout le monde applaudissait. Puis, parti. Là, ce soir, je sais pas, là, c'est les Stooges. Stooges. Hey, on est en 2013. Iggy Pop, il a quel âge? 300 ans. Il va s'égrener. Il arrive en chaise roulante. C'est quoi son problème, lui, là? Là? Il est pas dans une maison de repos qui s'arpente. Ils m'ont dit, oh non, hey, Iggy Pop, là, à la fine pointe, moi, j'ai arrêté d'écouter le rock and roll en 74. C'est, en 74, c'est fini. Avec l'album de Neil Young. Oh, après ça, il n'y a plus rien. Ils m'ont dit, ah ben oui, mais hey, attention, il y a Leonard Cohen. Leonard Cohen, c'est pas du rock. C'est la musique qui nous inspire l'esprit. Moi, je veux pas de l'esprit, moi, je veux. Ça me vibre à l'intérieur des jambes. Je veux zigouner, je veux chanter, je veux crier, je veux être anarchiste jusqu'à la fin de mes jours. Puis là, en 2013, avant, debout sur une scène, je jouais, oui, la batterie, la basse, la guitare. Ils m'ont dit, Iggy Pop va être là devant moi. Oui, on t'est une ma. Mais c'est mes enfants. Alors, on va laisser aller. On va laisser aller. Ça risque d'être bon. Hein. Il va avoir en retard. C'est quoi? Il y a une première partie. C'est qui la première partie? C'est blablabla. Ça, c'est gagnant, blablabla, moi, là. Ma fille, il y avait un an et demi, puis elle disait plus blablabla. Elle disait « Feu des gaz! » Où sont les grands passeurs? Aristote? Précaire? Ça, précaire, là, je l'ai cherché longtemps. Y a-tu un livre de précaire? C'est qui précaire? Je n'ai jamais trouvé. C'est ça, la vie. On cherche souvent, puis on trouve rarement. Le titre de l'improvisation, c'est « La grande défense ». Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux martyr, roi des picots, secte d'escrocs, de collaboniqueurs d'ado, brûleur de vierges, lécheur de cierges, oh diable Dieu. Oh diable Dieu, oh diable Dieu, oh diable Dieu, ce vieux cracheux, sur un nuage disent les sages. qui professent, disons, des messes. De mirlitons que l'homme est son. Portrait craché, oh quel péché, au diable Dieu. Au diable Dieu, tueur de queue, son copillon est un canon, et tous ses pâtres sont idolâtres, et son église n'est que traîtrise. Au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. Mais s'il s'agit du grand ami miséricordieux, où vive Dieu, vive la vie, celle qui lui, dans les atomes de l'air du chrome, des misérables, des simples tables, au diable Dieu. Au diable Dieu, merde biblique, vive l'unique, merde biblique, au diable Dieu, au diable Dieu, au diable Dieu. Et alors j'appelle tout le monde, machin, etc. Il me dit, oh, il y a un roast beef complètement dément qui vient d'arriver. Un roast beef, un ah, anglais. Oui, oui, un roast beef. Qui arrive juste, là, il est tout frais, là, machin, moulu, rencontre-le. Et ça a tilté. Et il a fait toute la télé avec moi. On est allé au Japon, on a fait une tournée au Japon. C'est un signe. Des trucs de fou. Et là, moi, quand j'ai fait un spectacle à La Cigale et ailleurs, c'est Brad qui joue avec moi. Il est cinglé. C'est un, oui, un vrai cinglé, dans tous les sens. Je l'adore. Moi, je l'appelle Brady. Brady, OK, ben je vais lui dire que je t'ai rencontré, mais c'est... Quel personnage? Moi, je l'ai rencontré à Québec avec, à l'époque, il y a longtemps, avec Arthur H. Et après, puis... après moi, je ne faisais pas tellement de scènes à l'époque. C'était en plein body physical, donc il faisait que des télés et des conneries comme ça avec moi. On était au Japon, il se bourrait la gueule au saké toute la seule journée. Oui, il était assez encore aujourd'hui. Toute la seule encore. Journée, il était oui, bourré oui. au saké. C'est un anglais qui est capable d'en prendre. Mais après, si tu veux, il a été effectivement avec Arthur H. Mais à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, hein, quand je faisais de la scène, il était là. Il revenait. Oui, mais on s'adore. Oui, mais en tout cas, ça, il m'en a parlé, puis c'est quand même dans les deux sens. Si tu étais un moment de la journée... J'aime bien le matin. Ah, tu es une lève-tôt? Oui. Ah, avoir su. Pardon? Avoir su, parce que je croyais que normalement, les chanteuses préféraient... Non, moi j'adore... J'aime bien le matin. OK. C'est là que tu pratiques davantage? C'est là que tu es beaucoup non, plus... Non, je suis mieux. Je suis plutôt bien. C'est plutôt frais. J'ai des envies d'action. J'ai des envies... ça, après avoir mangé, ça se coupe. J'ai envie d'avoir une petite sieste. Ça peut me reprendre le soir. Mais je suis quand même moins tonique que le matin. Le matin, c'est... On se lève, on est prêt. Voilà. Il y a une espèce d'énergie vitale. Une vivacité d'esprit aussi. Voilà. Oui, oui. Ouais. C'est bien parce que les artistes, normalement, quand tu veux les rencontrer, c'est 18h, 18h30. On se lève vers 16h. Non, moi, j'aime pas du tout ça. Non. Si tu étais un autre individu... Je serais pas un autre individu. Je suis contente d'être moi-même. Alors, tu resterais dans le même créneau? J'ai fait des conneries, mais je resterais dans le même créneau, quoi. Et j'ai une question, en fait encore deux, à choisir. Est-ce que tu fais le même chemin? On parlait de conneries, donc... Ça fait des dégâts, hein, quand même. Dans la vie professionnelle ou dans la vie amoureuse? Dans la vie amoureuse. OK. Ça crée des dégâts. Ça fait des dégâts collatéraux, quand même, de vivre une vie où il y a... Alors, je te répète, à l'époque, hein, de l'argent, du végétariat... une certaine... évidemment, tous les mecs veulent coucher avec toi. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus pour la fille que tu représentes que pour l'aide que tu es. Oui. Mais comment tu veux comprendre ça quand t'as 26 ou 30 ans? Tu vois, tu comprends pas. Quoi. Ouais. Et Il n'y a pas, comme si tu veux, c'est construit sur un, ce qu'on appelle un schéma d'intensité. Tu vis au jour le jour, en disant putain, il faut que j'assure, machin, etc. Tu vis, mais tu n'es pas dans la construction. Ouais, ouais. Que tu vis, c'est quand même très déstabilisant sur le plan nerveux et tu construis pas, enfin bon, moi en l'occurrence je parle pas pour les autres, mais c'est difficile de construire quelque chose de stable, de sérieux. Et c'est ça qui. C'est ça qui me. Qui t'a tué dans les années 80. Oui, ça m'a tué. Parce que j'étais très entouré, mais finalement très seul. Ouais, c'est ça. Beaucoup de personnes autour, mais fondamentalement... Très seul. Ouais. Daniel était très seul aussi. Ouais, Daniel Dark. Très seul. Ouais. Aujourd'hui, ben, même avant sa mort, c'était un homme très solitaire, très... Très seul. Mais les gens l'adoraient, mais en même temps, entre la scène et la vie, c'est... C'est-à-dire qu'il était hors norme aussi, quoi. Tu vois, à un point... Alors que moi, j'ai, à un moment donné, j'ai dit... stop, et j'ai voulu revenir à la normalité. C'est-à-dire que ce soit par la radio, que ce soit par la psychothérapie, que ce soit par tout ce que j'ai pu faire parallèlement. Et je me suis dit, non, mais c'est dangereux, là, quand même. Hein. Il fallait que tu te sentes vers toi-même. J'ai voulu me recentrer, je me suis dit, non, mais attends, là, ça va peut-être pas durer une éternité, ton histoire. Recentre-toi, quoi. Est-ce que tes chansons, aujourd'hui... montre cette saveur-là de la femme qui... Ben, j'ai l'impression, au bon moment, au bon endroit, j'ai l'impression que ça montre un peu ça, mais... Et si on t'écoute, si, exemple, on se prépare un CD personnel de Buzy de 80 jusqu'à aujourd'hui, on peut sentir vraiment le côté années 80 très, très présent, parce qu'il y avait un style dans les années 80. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, où tu t'es plus détaché pour faire une écriture et un son très personnel. Oui. Est-ce qu'on sent quand même qu'il y a une continuité? Ben, si tu veux, je pense que déjà dans les années 80, j'étais déjà un outsider, quoi. Ah oui, très underground. Face à Jeanne Masse ou face à Mylène Farmer. Ah oui, oui. Ou même face à Niagara, à Muriel. J'étais déjà, je me rappelle, elle me regardait en disant, mais c'est qui celle-là? J'étais déjà un peu border par rapport à elle. Elle disait, ah ouais. Et bon, ben, comme ça marchait, je l'ai terrorisé un petit peu, mais elle disait, mais c'est cet oiseau-là. Et bon, moi, j'ai voulu continuer parce que c'est mon caractère. J'ai voulu continuer comme ça. Et puis, comme j'étais jeune quand j'ai commencé, j'ai évolué avec mon âge, tu vois. Je vais pas écrire des chansons de teenage à 50 piges. Ben, peut-être lorsqu'on te demande des pièces musicales pour des jeunes groupes. Non, c'est pas un jeune groupe. Ah non? Okay. Enfin, c'est pas un jeune groupe. Les Candy Mountain, ils ont. Non, mais si un jour on te demande si une jeune chanteuse veut que tu lui écrives une chanson, est-ce que tu. Je peux, oui. Maintenant, en tant que psychothérapeute, j'ai des jeunes. Donc, je comprends ce qu'ils ont dans la tronche, mais. Paranoïaque, rouspète, pipette de hache, ça c'est de la marde, décor les chiottes, pipette fume pas. Et moi je m'en crisse, fume ou fume pas, c'est le même problème, moi j'en ai pas. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pour moi c'est clair comme de l'eau de roche, rocher percé, t'en souviens-tu? Il est toujours là, il bouge pas. Y'a rien qu'un œil, mais il te regarde, ça c'est moi, toi tu me vois pas, comprends-tu ça, comprends-tu ça? C'est comme ton nom, tu regardes, pensant que c'est toi, mais c'est pas toi, ton nom te suit, suis-là dans pas. C'est ma bebelle, c'est notre bebelle, moi je m'en occupe, occupe-toi pas, comprends-tu ça, comprends-tu ça? Il fait soleil, même si ça pleut, même si ça pète, même si ça tonne, ça m'étonne pas, moi j'ai la paix. Toi tu l'as pas, mais ça viendra, moi je me sens venir, puis je veux revenir, comprends-tu ça, comprends-tu ça? suis défriché, pas défroqué. En dessous de mes cheveux, j'ai ma tête. Un Québec love, ça c'est mon bar. Faut faire quelque chose, oui ça presse. Lâche pas bonhomme, ce sera ta fête. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Puis les états, c'est ta personne, c'est ta babelle. C'est pas notre bebelle qui se l'arrache, puis moi je m'en sac. Moi j'ai mon arche, arche de Noé, Noé Noël, tremblé, ça c'est à nous autres. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Y'en a plus de Chris, y'a plus de Christmas. Qui se l'arrache leur Santa Claus de chez Simpson, Beach Eaton. Moi je me contente de du puits frais. Moi je me contente d'eau mer de serre. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Pacifique plan, crunch les Anglais. Pacifiquement, si c'est possible. Si c'est possible, pacifiquement. Si ce l'est pas, donne-moi un gun. Donne-moi un gun, moi je m'en occupe. Comprends-tu ça, comprends-tu ça? Feel the hold that. autrefois, quand j'étais dans un cirque. Un gros chaton qui venait du Mexique. Il était presque aussi gros qu'un toutou. Et tout le monde l'appelait Gros Minou. Il avait de l'appétit comme un dinosaure. De tous les chats du quartier, c'était lui le plus fort. Il avait une moustache comme un vrai Mexicain. Et croyez-moi, il n'avait peur de rien. C'était le plus grand de tous les chats. Et quand elle savait qu'il était là, toutes les chattes étaient en émoi. Attention, Gros Minou. Il était solitaire, il n'avait pas d'amis. Et tous les autres chats avaient peur de lui. Souvent il se fâchait pour des riens. Et pour déjeuner, il mangeait du requin. C'était le plus grand de tous les chats. Et quand elle savait qu'il était là, toutes les chattes étaient en émoi. Attention, v'là le Gros Minou. Son ventre est rond comme Monsieur Volpon. Oh, je crois qu'il mange trop de poissons. Gros Minou, c'est le roi des chats. Les chats sont douces quand il est là. Oh, Gros Minou. Minou. Là, les candides, ce que j'aime, ou la bestiole, c'est des gens qui ont la quarantaine, quoi. Donc, c'est pas très loin de moi. Quoi. Ils pensent la même chose. Ils sont du même mouvement, ils sont dans la même lignée, dans la même orientation. On écoute la même musique. Et comment tu les as rencontrés? Alors, la bestiole, c'est grâce au tribut. Mais là, la personne que l'on va rencontrer, là, tu l'as rencontrée comment? Alors, la personne que j'ai rencontrée, Oui, qu'on va rencontrer, je l'ai rencontré il y a des années. Il était journaliste. Non, il était rien d'ailleurs. Il était rien, bon. Il était très jeune. Oui, oui. Je dirais, c'est une amie journaliste qui m'avait dit, parce que moi je suis une fan d'astrologie. Oh. Il y a un démon. Quel est ton signe? Gémeaux. Ah oui, moi je suis Verseau. Ok, ma mère aussi. Le 7. Moi le 14. Elle me dit, il y a un espèce de démon, il a 23 ans, etc. Il est fou d'astrologie, il m'a fait mon thème, il faut absolument que tu le rencontres. Et j'ai dit ouais, puis elle insistait vraiment. Je dis bon bah écoute, ça a l'air d'être très important. C'est genre de carte du ciel, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc je vois l'animal se pointer chez moi. 23 ans, je lui balance mon thème, qui n'est pas quotidien de temps non plus, quoi, tu vois. Tu connais le mot quotidien de temps? Non. Qui n'est pas facile. Ok, ouais, ouais. D'interprétation. Mm-hmm. Et l'autre, il me fait un truc. J'étais comme ça. Génial. Et il me dit, je sais pas où dormir, machin, etc. Ben, je dis, il n'y a pas de problème, je vais te mettre un matelas et tu vas dormir là. Et puis le lendemain matin, il avait laissé un très gentil petit mot, merci de m'avoir hébergé, machin, etc. Puis on est devenus amis. Depuis des années, on est devenus amis. Et ensuite, de l'astrologie, il s'est amené vers la chanson ou... Il faisait déjà de la chanson. Ok. Mais ça, je ne le savais pas quand je l'ai rencontré. Ok. Est-ce qu'il était guitariste? Qu'est-ce qu'il faisait comme instrument? Non, il est pianiste. Ok. Oh! Classique ou... Pas classique. Non, il fait un peu pop, tu vois. C'est un peu... Très pop. Tu vois, c'est un mec charmant. Et les autres, les deux groupes, tu les as... Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi ou c'est toi qui les as connus par Internet? Non, c'est eux qui sont venus vers moi. Ok. La bestiole et Candide, c'est eux qui sont venus vers moi. Ok. Et comment ça s'est produit? Ben, je sais pas, c'est marrant parce que Dans le tribute, il y a une nana qui est venue vers moi qui s'appelle Laura Lamu, d'un groupe qui s'appelle Puss in Boots. Ok. Elle a, je sais pas, 26, 27 ans, etc. Elle se pointe chez moi, je sais plus qui c'est qui me l'avait recommandé. Charmante, très jolie, machin, etc. Je lui dis, mais Laura, comment tu connais Body Physical? Parce qu'elle voulait reprendre Body Physical. Elle fait, c'est ma maman qui me l'a fait écouter. Aïe, aïe, aïe, hein? Aïe, ça fait mal. Un grand coup dans la gueule. Et voilà. Bon, il se trouve que là, les groupes avec qui je travaille, ils ont 40 ans. Donc, non, ouais, ça c'est moi. Pile, pile dans leur cible, ils écoutaient ça quand ils avaient 15 ans. Quoi, Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut pas, qu'on veut pas entendre. Hein? Ouais, qu'il faut faire avec. Hein. Oui. Et aujourd'hui, tu as du matériel qui se prépare ou au contraire, tu en magasines pour éventuellement écrire? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Oui, oui, ça commence, mais enfin, je me concentre essentiellement sur les Candlin Mountain. OK. Ah, oh, OK. Je crois dur comme fer à ce groupe. Je trouve que c'est bien ce qu'ils font. Moi, j'ai écouté, c'est vraiment très, très bien. Je pense qu'au Québec... ça pourrait vraiment plaire. Quoi. Oui, c'est dans le style. Il y a beaucoup de. Il y a Jean Leloup qui fait à peu près dans ce style-là, un Québécois assez déjanté. Avec des cœurs comme ça, tu vois. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est très attirant et c'est estival. Oui, c'est ça, c'est très estival. Ah, ça amène le soleil. Voilà, absolument. Et donc, je me concentre sur eux. Je les aide au maximum. Je vais leur ouvrir mon carnet d'adresses. Mais est-ce qu'ils comptent sur toi pour écrire du matériel ou, Évidemment. Hein. OK, OK. Et là, est-ce que tu sens un peu... C'est 3 SMS par jour. Oh, OK. Mais est-ce que tu sens la pression? Je sens un gros enthousiasme. OK. Alors, il y a comme une lumière là, qui scintille. C'est bien, j'ai besoin de ça. Ah, oui, oui. Ben, tout le monde a besoin de motivation. Et... Ils sont très enthousiastes, très... Mais ça fonctionne bien aussi. Et ça, c'est bien. J'adore. Oui. Quand ils vous écoutent, je trouve ça très bien. En francophonie, c'est quand même très bien. Là. C'est une grande porte. Voilà. Hein. Puis il y a beaucoup de... Bon, ça, c'est la bestiole. Hein. Ah, la bestiole, OK, OK. Ça, c'est la bestiole. OK, OK. Qui eux aussi comptent sur toi ou Bah oui, la bestiole, j'ai écrit 3 titres. Et puis là, ils sont en train de préparer un autre album. Et ils m'ont appelé en disant, oui, ben, il faut que t'écrives. Bon, alors, tu as deux groupes à qui tu dois... Ça me plaît. Ah oui, oui. Mais peut-être que ce serait ton nouveau hobby de pousser des chansons au lieu de te placer en avant-scène. Je te cache pas que j'aime bien. Oui, d'être devant un micro. Non, okay, j'aime bien être derrière. Ah oui, OK. OK. J'aime bien être derrière. Parce que tu peux dire des choses sans te présenter. Donc, oui, c'est ça. C'est... Ça peut être plus provoquant ou si tu te gênes vraiment pas quand c'est non, pour c'est toi? Non, c'est pas ça. C'est que t'as pas la même pression que quand t'es devant, quoi. OK. Ah non, c'est sûr. Tu fais partie d'une équipe. Tu peux pas te tromper dans tes paroles, là. Non, mais voilà. Non, mais oui, bien sûr, mais t'as pas la même pression. C'est ça. Ni d'être bien coiffé, ni d'être maquillé de la mort, ni de faire du jeunisme, ni machin, etc. Mm-hmm. Bon, c'est pas à toi de faire ça, c'est à eux d'avoir la couille. Et la moi, couille. Je suis assez bon coach, donc je les coach. Quoi. Et tu es comment? Est-ce que tu leur présentes le métier comme étant quelque chose d'assez difficile? Ou, Je fais attention. Okay. Je fais très attention pour ne pas les démoraliser, parce que je suis quelqu'un qui a vécu l'âge d'or de la musique. Oh. Et qui s'aperçoit que maintenant c'est quand même extrêmement difficile. Parce que pour moi l'âge d'or c'est Charles Trenet, mais bon, on peut dire. Oui, non, mais bon, voilà. Enfin, à l'époque où ça fonctionnait très bien, dans les années 80. À l'époque où ça fonctionnait bien. Et je vois l'énergie qu'ils sont obligés de développer parce qu'ils ont tous un autre job. Pour faire un peu d'argent. Ils ont tous un autre job. Oui. Ils sont tous obligés de faire des clips avec zéro balle, des prods avec zéro balle, etc. Ils prennent leurs vacances pour faire des tournées. Ouais, je trouve ça admirable. Ouais. La bestiole, elle va avec sa petite voiture, avec sa batterie dedans, machin, etc. Je trouve ça admirable. Donc, je pense que c'est pas bon pour eux que je les casse. Non, non. Donc, ça prend de l'énergie aussi. En 2013, pour faire des albums, puis aller faire des tournées, ça... Parce que tu peux pas vendre de disques, tu peux plus en vendre, ou beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant, non. Puis tu fais beaucoup moins d'argent. Donc, aussi. J'essaie de les... De les motiver. De les motiver, d'être avec eux sur ce truc-là. Voilà, je ne vais pas commencer à leur plomber le moral. À les déprimer en leur disant c'est vachement dur, machin, etc. Mmh. Par contre, je suis dur. Je suis dur sur non, mais là, c'est pas bien, faites attention, mais là, le look, le machin, le truc, le bordel... Ok, tu fais un peu la mise en scène, là. Ah, je veux dire, il faut prendre tel photographe, nanana... Ok, parce que c'est pas du n'importe quoi, là. Et appeler Pierre Terrasson, et machin, et Patin, et Couffin, je les emmerde. Oh, oh, ok, ok. Tu te sens comme l'impresario. Non, mais c'est complètement amical, mais, ouais. Mais à partir du moment où je m'investis, j'essaye de leur donner des cartouches, quoi. C'est vrai que je ne sais pas si tu connais Pierre Terrasson, mais oui, oui. Une belle photo de Pierre Terrasson, bon, c'est toujours c'est bien vu. C'est toujours bien vu, quoi. Oui. Puis ça se présente bien devant le public et devant le consommateur. Donc j'essaye de les aider en fonction de ce que moi j'ai pu vivre, quoi. Donc tu veux prendre l'expérience que tu as eue pour les futurs groupes que tu vas... Oui, mais gentiment, hein, c'est pas... Oui. Je suis pas un ayatollah non plus, hein. Non, faut pas, sinon on voudrait plus te rencontrer, hein. Non, on veut que tu sois un peu la fille qui suit et qui donne des directions, des directives. Oui, voilà, mais bon, en plus ça se passe bien parce que je suis assez souple. Et puis j'ai 11 ans de psychothérapeute derrière moi, donc... Mais ça, tu l'utilises beaucoup, ça, ta psychothérapeute? Oui. Pour plein de choses, pour la musique, pour les groupes, lorsque tu les vois sur scène. Non, fais pas ça, ça fait un peu comme... Alors t'essayes de... Oui, bah je dis ce que je pense, je dis... bon, attention, là, tu parles trop, pas bien, attention, toi, à ton maquillage, attention, toi... ne va pas te foutre en jean, attention, les photos sont pas bien. Voilà, j'essaye de les aider, mais jamais en les blessant. Hein. Les crocs, ça fait bobo. Baby, on pleure, on crie. Tourment pour les enfants, calvaire pour père et mère, cauchemar pour les vieillards. Les crocs, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Fauvette ou alouette. Heureux, les pondeurs d'eux. Corbac ou Donaldac. Enfer, les mammifères, bistec ou gâteau sec. Les crocs, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Martyr pour les vampires. Torture pour les gros durs. Horreur pour les boxeurs. Gadda, badinamam. Un bec, on veut un bec. Oh dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est toi qui me fais du gringue. Oh non, c'est pas du pauvre, je suis bien mort du pauvre. Ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Oh dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du boniment, du bidon, car je sens battre mon palpitant quand je te vois. Comme ça qu'un jour ou l'autre on est mordu. Tant pis pour ce qu'on en dira, qu'on est des caves ou des tordus. Oh dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, l'amour quand ça. Ah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, ce que je vais le gâter, mon môme. Ah non, c'est pas du pour, je suis bien mordu pour ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Ma femme me laisse. Ma femme a laissé. Ma femme a laissé. Ma femme a laissé. Jamais, jamais, jamais, jamais. Ah, oh. Ma femme, après 20 ans de mariage, elle m'a laissé. Ça, c'est les Rita Mitsuko. C'est hallucinant, hein, comment on a pu travailler sur le concept du couple et les amener avec des images assez, des vidéoclips tout à en fait. En fait, t'as vu qu'il y avait derrière aussi. Oh, hein, oui, oui, oui. Gautier, enfin, bon, mm-hmm, en fait, oh, tu, oui, tu vois, oui. C'était une époque où il y avait beaucoup d'argent. Maintenant, si ils s'habillent n'importe comment, il y a une différence entre les groupes indés qui s'habillent n'importe comment et puis eux, là, les Candines, ils ont quand même eu envie d'être un peu plus mainstream. Okay. Non. Et là, je leur dis mainstream, les gars, surtout la fille, d'ailleurs, Isa, que j'aime beaucoup. Je dis non, mais là, il faut être bien habillée, bien coiffée, bien maquillée, machin, etc. Parce qu'elle veut jouer un peu à la punk. Bah oui, regarde Elodie Frégé, la Vanessa Paradis, Tartempion, machin, ou la, je sais pas qui, enfin bref, toutes les filles, là. Je dis non, mais là, je suis dure avec elle, je dis non. Tu te maquilles, tu te mets ta frange correcte, machin, etc. Oh, ok. Alors, tu es un peu comme la mère du groupe. Oh, ou la sœur, la sœur. La sœur. Oui, oui, oui. Ou la sœur. Ok. Et puis, musicalement parlant, les deux groupes sont différents, donc tu seras une orientation haute. Puis, en plus, avec ton style à toi et ta musique à toi, lorsque tu écris pour toi, c'est vraiment trois visions différentes. Trois visions différentes. Je pense que La Bestiole, c'est vraiment un groupe très orgasmique, très, très, très physique, très rentre dedans. La batterie, rentre dedans. Oui. Faut lui, elle a une voix de folie, il faut lui écrire des trucs très punchy. Ouais. Bon, très animal. Très animal, absolument. Les Candid, c'est plus subtil, et c'est plus mainstream, c'est plus planant. Folk aussi, okay. Tu vois, ils sont un peu folk, comme ça, à trois. Et toi? Et moi, je dirais que je suis aujourd'hui, plus, en 2013. Bah, c'est là où c'est difficile, je cherche, tu vois, c'est plus... Voudrais-tu faire un truc plus introspectif? Oui, plus... mais je l'ai déjà fait sur un moment au bon endroit. Ouais. Mais continuer? Ou vraiment virer, puis... Bah, ça dépend, il y a des fois j'ai envie de chanter des trucs un peu plus... machin, en disant, bon, bah, ça va peut-être être la dernière fois, donc vas-y, balance. Oh, ok, balance, balance l'affaire, mais... ouais, des albums d'adieu, il y en a qui ont fait des carrières là-dessus, hein? Donc, je sais pas, mais c'est intéressant si tu veux décrire pour des groupes qui sont finalement assez différents, quoi. Mm-hmm. Mais pour toi, t'es vraiment pas fixé, tandis que les deux groupes, tu sais très bien dans... Mais je sais. Ouais. Ok, mais pas toi. Parce que pas t'es... Trop, ouais, c'est ça. Tu veux... pour l'instant, pas trop. Non. Mais tu veux pas non plus refaire les anciens disques que tu as fait. Non, bah, ce qui est intéressant, si tu veux. Donc... Bon, Daily était un album très underground, très noir. Border Love était un album extrêmement construit, avec quand même pas mal de singles, à mon avis. Je suis un arme, Border Love, machin, etc. Au bon moment, au bon endroit, était un album plus introspectif, plus doux, plus, avec les voix devant, etc., etc. J'aime pas refaire la même chose. Donc, je cherche quelque chose que j'ai pas fait. Donc. Alors, pour le moment, tu écris pour ces deux-là, pour éventuellement trouver ta voix. Voilà. Puis, peut-être te voir, parce que tu n'as jamais fait de spectacle à Québec, au Québec. Non. Non? Non, jamais, non. Non. Tu as fait des rencontres, mais pas de, mais pas ben, de spectacle. J'ai été dans la staff d'Alain Dupuis. Ouais, ouais, ouais, ben et, oui. Voilà, et j'ai fait deux sessions de promotion, mais... Quel homme sympathique. Et j'ai jamais fait de scène là-bas, non. OK. C'est peut-être quelque chose que tu envisages éventuellement lorsque tu feras une. Ah oui, mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas ce qu'est devenu Alain Dupuis, d'ailleurs. Il est dans... Je crois qu'il a changé de métier. J'en ai plus entendu parler depuis à peu près 5 ans. Ah oui, d'accord. Donc, je sais pas. Il va falloir que je fasse mon enquête lors de mon retour samedi prochain. Mais je te tiendrai au courant. À l'époque, c'était une star quand même. Oui, effectivement, oui. C'était un aide qui a beaucoup d'artistes appelés pour avoir des renforts, pour aller plus loin, pour... Oui. Ah oui, c'était vraiment un type qui éclairait bien des artistes et qui en a relancé d'autres et qui en a aussi lancé quelques-uns. Ouais, ouais. Aujourd'hui, mais je sais pas, peut-être en 2013, hein, y a plein de choses qui peuvent arriver. Donc, je sais pas, je... Ah, ah ben voilà notre ami. Eh ben voilà. Ah. Bonjour, ah, madame Pierre. Notre ami Pierre Fac. Est-ce que je peux juste envoyer un petit courrier? Okay. Oh, tiens, c'est ravissant. Ravissant. Merci. Voilà. Pierre, il adore faire des cadeaux, tu sais, vraiment. Ah oui? Il est d'une générosité. Oh, regarde, il m'a acheté un B. Oh. Un B. Oh. Est-ce que c'est ici, là, ils ont un petit foir? Non, là, c'est non? Beau, regarde, c'est non, un B. Il arrive de Tokyo, celui-là. Oh, c'est encore beaucoup mieux. Ben oui. Gâté. Non, il était pas mal, hein. Il était mignon. Il y avait une série de lettres, évidemment, mais il n'y avait pas de quoi faire. Oh non, non, mais moi, attends, c'est super, hein, Pierre. Des fois, il y a des lettres qui me manquent. C'est adorable. Ah oui, t'as raison. Ouais. Ça viendra, ça viendra. Tu coûtes cher au Scrabble. Là. Non, mais tu sais que lui, c'est un intervieweur de la mort. Hein. Ah bon? Pourquoi de la mort? Bah, parce que je trouve que de la mort, c'est une expression. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, extrêmement sympathique. Oui, oui, oui, oui. Mais c'est pas une expression non, mais négative. Moi, c'est plutôt des rencontres radiophoniques. C'est des discussions, c'est des errances. C'est... Parce que lui, là, par exemple, moi, bon, toi, il ne te connaît pas, mais il a, j'ai rarement eu une interview aussi. Ben voyons, maîtrisé. Non, non, mais moi, c'est plutôt des phrases lancées à droite et à gauche et on répond. C'est une discussion de bar, tu sais. Ni plus ni moins. C'est pas vraiment quelque chose de... de serré ou comme dans les radios d'État, quelque chose de trop snob. C'est vraiment libéré de tout apport. C'est de se laisser aller, de se laisser... C'est l'été. Oui, il y a eu une époque en France où la télévision publique était comme ça. Il y avait une femme que j'adore qui s'appelait Denise Glaser, que moi je n'ai pas connue parce qu'elle avait quitté la télévision déjà quand j'étais petit. Okay. Mais ses émissions, on les trouve sur le net, s'appellent Discorama. Et c'était des conversations très libres. Elle a rencontré Gainsbourg, Barbara. Quel âge as-tu? Non, mais c'est pas, moi, j'ai pas d'âge. C'est du shit. Non, c'est du shit. On va couper, hein. On va couper. Je connais du Japon. Non, non. Je plaisante. C'est du thé. Je te rassure, je ne peux pas fumer un joint. Ah, mais peu importe. Ah, je peux pas, moi, je suis complètement parano, donc... Ok, ah, immédiatement, si tu veux, ça me fait des crises d'angoisse. Ok, ouais, je connais des rapports québécois aussi qui sont comme ça. Donc, j'ai essayé une ou deux fois, ça n'a pas été très probant. Donc, tu t'es couché? Tu te sentais mieux? Non, moi, c'était appeler immédiatement SOS médecin. Ah donc. Non, voyons. Ah oui, OK. Mais j'ai quelqu'un qui lui, malheureusement, s'est enlevé la vie cette année. Un vieux monsieur qui a commencé dans les années 90, juste un joint, puis il voyait dans les feux de circulation des chats sortir de la lumière orange. J'ai dit, moi, je sais pas qu'est-ce que tu as fumé, mais c'était pire que ce que je pensais. Mais en tout cas, je l'ai bien agacé avec ça. Je suis heureux de te rencontrer. Alors, tu t'appelles Wilfried? Non, Reynald. Reynald. Mais on n'est pas loin. Mais tu sais, je crois que Elsa Kopf m'a parlé de toi. Qui? Elsa Kopf. Oui, ben oui. Tu vas que la je voir raconte. Oui, ben oui. C'est ça. Pourquoi t'es ton ami à... Oui, on a fait ensemble son deuxième album. Oh, enchanté. Okay. Le monde est petit et les abbesses surtout. Elle habite à deux rues d'ici et moi à deux rues de l'autre côté. Ouais. C'est de la magie. Mais et, je suis et Marie-Claire, spirituellement, habite à deux rues aussi. Spirituellement, oui. Oui, oui, parce que sinon c'est très loin. C'est très loin. Mais, Moi, j'ai habité longtemps là, tu vois, à Charles-Lulin. Et puis là, j'habite plus du tout dans le quartier. Pourquoi c'est trop agité? Non, pas du tout, c'est les hasards de la vie. Quoi. C'est des histoires d'amour qui t'ont fait changer de... Non, c'est des histoires d'opportunités d'appartements. Ok, ah, ouais, ben là, surtout au prix que sont les appartements, là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, coups de taxe. Traverser le corps de bord en bord. Nous les derniers humains de la terre. Le vieux Achille dit à soi, c'est un peu trop tranquille. Ami, laissez-moi faire le guet.